The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To be overwhelmed by choices. N'avoir que l'embarras du choix. Chip store. La baraque à frites. Cute. Mimi. If you don't mind my asking. Sans indiscrétion. How old are you? Ça te fait quel âge? 91. 91. To have dinner. Souper. Ready for. Va pour. Now, a bit faster. Chip store. La baraque à frites. To be overwhelmed by choices. N'avoir que l'embarras du choix. 91. 91. To have dinner. Souper. If you don't mind my asking. Sans indiscrétion. Chip store. La baraque à frites. To have dinner. Souper. If you don't mind my asking. Sans indiscrétion. Ready for. Va pour. To be overwhelmed by choices. N'avoir que l'embarras du choix. How old are you? Ça te fait quel âge? Ready for. Va pour. Now, use the words in context. N'avoir que l'embarras du choix. This website offers so many low-priced dream destinations that we're just overwhelmed by the choices. Ce site internet propose tant de destinations de rêve à des prix cassés qu'on n'a que l'embarras du choix. Va pour. I'm ready for a last round, but after that I'm going home. Va pour une dernière tournée, mais après, je rentre. Mimi. My brother's daughter is really cute with her new dress. La fille de mon frère est vraiment Mimi avec sa nouvelle robe. Ça te fait quel âge? I haven't seen him for such a long time. How old is he now? Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. Ça lui fait quel âge? N'avoir que l'embarras du choix. This website offers so many low-priced dream destinations that we're just overwhelmed by the choices. Ce site internet propose tant de destinations de rêve à des prix cassés qu'on n'a que l'embarras du choix. Va pour. I'm ready for a last round, but after that I'm going home. Va pour une dernière tournée, mais après, je rentre.